Le rêve par Ludovic Halévy. Mon ami Raoul se mariait avant-hier à Sainte-Clotilde. J'arrive à l'église, grande foule et la cérémonie déjà en train. Je me faufile dans les bas-côtés. Le prêtre achevait sa petite harangue et la terminait par cette phrase. « Soyez donc unis sur cette terre, jusqu'à ce que vous soyez unis définitivement dans le ciel. » Je ne pus retenir une petite exclamation. Raoul n'épousait pas une jeune fille, il épousait la jolie petite comtesse Jeanne de Charmelieu, veuve de mon ami Gaston de Charmelieu. Cette aimable personne était destinée à faire le bonheur de mes amis. Raoul après Gaston. Sur la terre, rien de plus simple. Gaston s'étant retiré, restait Raoul. Mais là-haut, dans le ciel, pour l'union définitive, ils seront deux. Gaston et Raoul, le premier et le second mari. Je tombais dans de profondes réflexions. Cette phrase du prêtre de Sainte-Clotilde faisait probablement partie de tous les petits discours qui servent dans le courant pour les mariages. On avait dû, 5 ans auparavant, faire la même promesse à Gaston. On avait dû lui dire que s'il vivait ou mourrait chrétiennement, il retrouverait sa petite Jeanne dans le paradis parmi les anges, les archanges, les trônes et les dominations. Cependant, grand remue-ménage autour de moi, la messe était terminée. Les grandes orgues attaquaient la marche de Mendelssohn. Je suivis le flot qui me portait à la sacristie. Poignée de main à la mariée, poignée de main au marié. Je ne leur adressais pas une parole, et bien m'en pris, car j'avais une sottise sur le bout des lèvres. Je n'aurais pu, je crois, m'empêcher de dire à Raoul « As-tu bien entendu et as-tu bien compris cette phrase sur l'union définitive ?»« Vous serez deux, mon cher, pour l'union définitive. » Je sors de l'église, je fais 2 ou 3 visites, je rentre chez moi, je monte à cheval, je dîne au cercle, je vais à l'opéra, et toujours cette bête d'idées fixes qui me poursuivait. Comment se débrouilleront-ils un jour dans l'autre monde, Raoul et Gaston? Je me couche, je m'endors, et c'est ici que le rêve commence. Un rêve, qu'on ne l'oublie pas, c'est un rêve. Je me trouvais dans le paradis à la gare. Grand mouvement de train, les voitures partaient vides et revenaient plus ou moins remplies. Le chef de gare était saint Thomas. Je causais avec lui, et fort obligeamment il m'expliquait l'organisation du service. « Les trains, me disait-il, partent de la terre, touchent à l'enfer, touchent au purgatoire, et s'arrêtent au paradis. Ici, en ce moment, nous avons du monde, beaucoup de monde. On a un peu tourmenté le Saint-Père dans ces dernières années. Il y a eu sur la religion comme un petit air de persécution, qui a réchauffé les tièdes et décidé les indifférents. Le concile est une chose excellente et qui nous fait du bien. Enfin, nous sommes contents, très contents. Il y a, depuis quelques mois, une progression constante dans le nombre de nos voyageurs pour le paradis. Tous les jours, sur terre, au départ, il faut ajouter des voitures. La petite vérole y est assurément pour quelque chose, mais la recrudescence de la foi pour bien davantage. Du reste, vous allez pouvoir en juger. 7h10, l'express va arriver. Oui, nous avons des express qui viennent tout droit de la terre. Entendez-vous le sifflet? Voici le train. Nous avons pris l'organisation française, c'est la meilleure. Une grande compagnie qui a émis ses actions par voie de souscription publique. Les obligations sont garanties par le ciel. Nos lignes principales sont terminées, mais nous ne communiquons pas encore avec toutes les planètes. Nous nous occupons en ce moment de notre 2e réseau. Regardez bien, le train arrive. Vous voyez, nous avons des voitures de 3 classes, 1ère, 2ème, 3ème, un fourgon pour les bagages, un compartiment pour les chiens. On descend. Faites bien attention et remarquez ceci. Pas grand monde dans les 2e. La petite bourgeoisie donne peu. Elle est généralement frondeuse, voltairienne et libre penseuse, la petite bourgeoisie. Dans les 3ème classe, en revanche, foule, grande foule. Tout bon ou tout mauvais, le peuple? Mais généralement bon. Foule également dans les 1ères classes. Ah, il faut reconnaître aussi que les gens riches ont de grandes facilités pour faire leur salut. Ils ont tout leur temps à eux, et en admettant même qu'ils donnent à Satan la meilleure part de leur existence, ils trouvent toujours de loin en loin, pour peu qu'ils y apportent quelque bonne volonté, 1 heure ou 2 pour se mettre en règle vis-à-vis de la religion. Dieu n'est pas si noir qu'on le croit. Il se contente de bien peu de choses. Allez. Restez seulement ici 2 ou 3 jours, vous verrez arriver 50aine de trains et dans ces trains assurément des personnes de votre connaissance. Vous vous apercevrez bien vite qu'on peut gagner le paradis à bon marché. Il est bavard, saint Thomas. Il parlait. Et moi, depuis quelques instants déjà, je ne l'écoutais plus. Ma veuve de sainte Clotilde, la femme de Gaston, la femme de Raoul, c'était elle. J'avais vu sa jolie tête paraître à la portière d'un wagon-salon. Puis, légère et pimpante, elle avait lestement sauté à bas de la voiture en laissant voir un peu ses jambes qui étaient charmantes. Et elle courait de tous côtés, criant « Le paradis ! Où est le paradis ? J'ai mon billet !» Telle, je me souvenais l'avoir vue un jour dans la gare de Compiègne, descendant d'un train spécial qui amenait au château les invités de l'impératrice. Et ce jour-là aussi, elle avait un peu laissé voir ses jambes, et ce jour-là aussi, elle courait, ravie, sur le quai, criant « Mes caisses ! Qu'on n'oublie pas mes caisses ! J'en ai 14 !» Et un officier de la couronne vint à elle, dans la gare de Compiègne, et lui dit « Ne craignez rien, madame la comtesse, je me charge de vos caisses, je suis ici pour les caisses. » Et Saint-Pierre vint à elle, dans la gare du Paradis, et lui dit « Votre billet, madame, voulez-vous avoir la bonté de me montrer votre billet ? Le voici, monsieur. Parfaitement en règle, vous pouvez passer. Voici l'entrée du Paradis. » Ma petite amie fit une gentille révérence et passa. Une envie folle me prit d'entrer à sa suite dans le Paradis. Qui sait, Raoul était mort peut-être, et ma veuve allait se trouver entre ses deux maris. Je demandai à saint Thomas s'il ne pouvait pas me faire entrer. « Très facilement, » me répondit-il. « Oui, mais pour une heure seulement, on ne me retiendra pas, je pourrais m'en aller, parce que voyez-vous, quelque agréable que puisse être le paradis, si j'ai encore quelques bonnes années à passer sur la terre, j'aime autant ne pas les perdre. La vie n'a qu'un temps et le paradis est éternel. » « N'ayez pas peur, vous pourrez sortir, venez. » Et il me conduisit à Saint-Pierre. « Vous reconnaîtrez monsieur, » lui dit-il. « C'est un curieux, il ne fera qu'entrer et sortir. »« Entrez, monsieur, entrez, je vous reconnaîtrai. » Me voilà dans le paradis. Il était temps, et j'arrivais au bon moment. Raoul et Gaston, qui avaient guetté les voyageurs à l'arrivée, s'étaient déjà précipités sur leur femme. Gaston avait pris la main droite et tiré d'un côté en disant « « Jeanne, ma chère Jeanne !» Raoul avait pris la main gauche et tirait de l'autre côté en disant « Marthe, ma chère Marthe !» Elle avait deux petits noms. Et il lui avait paru convenable de ne pas garder dans l'intimité pour son second mari le petit nom qui avait servi pour le premier. C'était une créature adorable et d'une exquise délicatesse de sentiment. Raoul et Gaston, cependant, ne paraissaient ni l'un ni l'autre disposés à lâcher prise. « Jeanne !»« Marthe !» « Je suis ton premier mari. Je suis ton second mari. Mes droits ne sont pas discutables. Monsieur, laissez, madame. Je ne vous parle pas, monsieur, je ne vous connais pas. » Je ne vous connais pas. Or, ils étaient amis intimes, sur terre, de leur vivant. Ils se tutoyaient et ne pouvaient se passer l'un de l'autre. Raoul, le second mari, ne bougeait pas de chez Gaston. Et les médisants racontaient. Mais s'il fallait croire tout ce que racontaient les médisants. La dispute, cependant, s'échauffe entre Raoul et Gaston. Les voix s'élèvent. La vie est douce dans le ciel, mais un peu monotone. Et le plus mince événement fait l'effet d'un accident de voiture dans une petite ville de province. Les bienheureux et les bienheureuses accourent de toutes parts. Les uns prennent parti pour le premier mari, les autres pour le second. Quant à Jeanne, elle ne bougeait pas. Elle avait dégagé ses deux mains et ne disait rien ni à Raoul ni à Gaston. Saint Thomas m'avait accompagné dans le paradis. Le cas, cependant, lui dis-je, a dû souvent se présenter. Les femmes à deux maris ne sont pas rares sur la terre. D'accord. Mais ce qui est nouveau, absolument nouveau, c'est cette rage de deux maris à se disputer une femme. D'ordinaire, en pareille circonstance, parmi les maris, c'est à qui ne reprendra pas sa femme. Et quand la situation est retournée, quand il y a deux femmes pour un seul mari? Oh, alors c'est tout différent. C'est parmi les femmes à qui rattrapera le mari. Les femmes sont enragées pour le mariage, même dans le paradis. Nous avons eu cependant un incident assez curieux, le jour de l'arrivée de Napoléon Ier. Ah, il est dans le paradis, Napoléon Ier. Oh, il a d'abord fait un peu de purgatoire, et franchement, c'était justice. Son histoire avec Bicêtre à Fontainebleau. Toujours est-il qu'il était encore dans le purgatoire lorsqu'en 1852, après le coup d'État, Napoléon III eut des procédés si parfaits pour Pie IX qu'on ne crut pouvoir décemment laisser dans le purgatoire l'oncle d'un pareil neveu. On lui ouvrit donc le paradis. Il arriva et son premier mot fut « Et mes deux femmes ?»« Avez-vous une préférence ?»« Oui, certainement. Je reprendrai très volontiers Joséphine. » On courut tout de suite chez Joséphine. « C'est Napoléon, il est là, il vous redemande. »« Je suis désolé, » répondit sèchement Joséphine. « Mais après ce qui s'est passé en 1809, jamais, jamais, jamais. » On se rabattit sur Marie-Louise, qui jeta les hauts cris. « Moi, revoir Napoléon, moi, qui vis si tranquille avec le général, ne me parlez pas de Napoléon, qu'il reprenne Joséphine. » Ni l'une ni l'autre n'en voulut démordre. Napoléon restait là, tout seul, un peu vexé. Quand accourut Madame de Staël. « Napoléon, » dit-elle, « donnez-le-moi, je m'en charge. » Et ils font très bon ménage. À ce moment, saint Thomas fut interrompu par un grand cri qui s'éleva dans la foule des bienheureux. « Le Père éternel ! Le Père éternel !» C'était en effet le Père éternel. Il passait par là, par hasard, et ayant entendu du bruit, il arrivait. « Un rêve, tout cela est un rêve, qu'on se garde bien de l'oublier. » « Absolument, le père éternel de l'école italienne. Dans un grand nuage gris pommelé, une longue barbe blanche, un air admirable d'indulgence et de charité, un Jupiter bourgeois et vertueux. Il s'arrête, demande ce qui se passe, on lui raconte brièvement la chose. « Eh bien, dit le père éternel, quoi de plus simple? Madame est ici en récompense de sa conduite religieuse et de ses sentiments chrétiens. Elle a droit au bonheur le plus paisible, et le plus étendu, qu'elle prononce elle-même et choisisse entre ces deux messieurs. « Mais, » fit observer Gaston, « celui de nous deux qui arrivera mauvais deuxième. » Gaston, qui avait eu sur la terre une écurie de course, conservait, vous le voyez, même après sa mort, même en présence du Père éternel, de déplorables habitudes de langage. « Eh bien, » répondit le Père éternel, « à celui de vous deux qui n'aura pas été agréé, je donnerai une des femmes non réclamées qui encombre le paradis. Allons, madame, ne perdons pas de temps. Décidez-vous, faites votre choix. » Silencieuse, immobile, Jeanne se tenait entre ses deux maris, et tous deux, Gaston et Raoul, alternant selon le mode antique, cherchaient quelles paroles pouvaient aller le plus sûrement au cœur de leur femme. « Souviens-toi, disait Gaston, je t'ai épousée, et tu n'avais que 300 000 francs de dot. Et tu n'avais pas un sou quand moi, à mon tour, je t'ai épousé. Ta dot s'en était allée en chiffon et monsieur avait follement mangé sa fortune dans le baccarat et les courses. Tu n'avais que 300 000 francs et j'aurais pu épouser la petite Blanche de Simiane qui avait 1 000 000. Je sais bien que ton père m'a dit « Je donne une nouvelle dot de 300 000 francs à ma fille. » Mais il m'a payé en actions de ses mines de Bolivie, lesquelles actions, au bout de 18 mois, valaient 14 000 francs au lieu de 300 000. Ce que je m'en moquais pas mal, moi, de la question d'argent. Je m'étais toujours dit, si je me marie, je vais avoir la plus jolie femme de Paris et la mieux mise. C'est pour cela que je t'ai choisie, Jeannette. 14 000 francs, je n'ai eu que 14 000 francs. Et cependant, ai-je jamais discuté une seule des notes de ta couturière? Elles étaient violentes, cependant, ces notes. Je me rappelle encore certains mémoires de 17 000 francs. Et moi, j'en ai eu un de 23 000. Et pourtant, moi, je n'avais pas, comme monsieur, 400 000 livres de rente. « Mais j'étais si fier de ta beauté, ma Jeanne, et du tapage que cette beauté faisait dans le monde. Ton luxe était mon grand orgueil et ma grande affaire. Que de diamants et de dentelles, quelle voiture, quels chevaux, quelle livrée. Et ta chambre, Jeannette, ta chambre de satin cerise. Et puis des loges à toutes les premières. 300 francs j'ai payé pour la première de la famille Benoiton. Les loges, il parle des loges. Même avant d'être le mari, c'était toujours moi qui les payais les loges. La première du petit Faust m'a coûté 400 francs, et j'ai donné 500 francs en 1868 pour le bénéfice de la patrie. La date, il se rappelle la date. Mais vous dîniez chez moi 5 fois par semaine, monsieur. Mais vous étiez toujours fourré dans nos loges des Italiens et de l'opéra, vous qui faites tant de bruit pour 2 ou 3 malheureuses loges offertes à ma femme. 2 ou 3, mais en vérité, de pareils détails sont indignes. C'est mon avis, dit le Père éternel, qui commençait à s'impatienter dans son nuage. « Abrégeons, messieurs, abrégeons. Et vous, madame, je vous en prie, prenez un parti. » Jeanne restait impassible et les deux maris allaient, allaient, allaient toujours. « Souviens-toi, disait Gaston, pour toi, j'ai brisé ma carrière. J'ai donné ma démission de capitaine de hussards, parce que tu ne voulais pas venir en garnison à Sarreguemines. Et moi, qui me suis rallié à l'Empire par amour pour toi. Monsieur, vous avez trimballé dans les cohues ministérielles et dans les bals officiels. Ces sortes de choses vous amusaient. Vous n'avez pas voulu y renoncer, et au grand scandale de tous les miens, j'ai consenti à me montrer aux Tuileries, moi, aux Tuileries, chez un Napoléon. Pas de politique, s'écria le père éternel, et surtout pas de choses désobligeantes pour l'empereur Napoléon III. Il n'aurait qu'à retirer ses troupes de Rome. Qu'est-ce que deviendrait le concile? Soit, pas de politique. J'ai d'ailleurs à dire des paroles plus décisives, continua Gaston. Voyons, Jeanne, ma chère Jeanne, souviens-toi, notre amour, le premier, moi, j'étais le premier. Nos longues promenades, le soir, dans les bois, chez ton père, Roche Grise. Nous allions lentement, bien lentement, dans les petites allées, la tête sur mon épaule. Puis, le jour de notre mariage, à 6 heures, nous sommes partis seuls, tous les deux, en poste. Nous sommes arrivés chez moi, à minuit, par un froid terrible. La campagne était toute blanche, te rappelles-tu? Et quel grand feu nous avons trouvé au château, et dans quel silence nous étions, et dans quel trouble tous les deux. En vérité, monsieur, interrompit brusquement Raoul, de tels souvenirs sont déplacés. C'est possible, monsieur, mais il m'est bien permis de rappeler, de parler de mon amour et de parler aussi de ma confiance. Elle était admirable, ma confiance, que de gens sont venus perfidement me dire « Faites bien attention à Raoul. » Raoul, c'était monsieur. « Faites bien attention à Raoul, il vous aime beaucoup, c'est entendu. Mais il y a une personne qu'il aime plus que vous, et cette personne, c'est votre femme. » J'ai dédaigné tous ces commérages. J'ai fait mes preuves, moi aussi, sur le terrain de la confiance. Plus tard, monsieur, après vous, quand à mon tour j'étais le mari, les petites calomnies allaient leur train. C'était monsieur de Séricourt qu'on me parlait à moi. Séricourt, mon meilleur ami, quelle absurdité! Je remarquai parfaitement que Jeanne ne put se défendre d'un petit soubresaut en entendant le nom de monsieur de Séricourt. Je le remarquai, moi. Mais Raoul, lui, ne remarqua rien du tout et continua. Et lorsque Séricourt fut tué au Mexique, lorsque, à cette nouvelle imprévue, vous avez, ma chère amie, laissé librement éclater une douleur si naturelle et si légitime, je reçus une abominable lettre anonyme. « Votre femme, m'écrivait-on, a plus de larmes pour l'ami qu'elle n'en aurait pour le mari. » Je ne vous en ai jamais parlé de cette lettre. Vous soupçonnez, vous, soupçonnez Séricourt. Qu'est-ce que c'est que ce Séricourt qui arrive là-dedans? S'écria le père éternel. Est-ce un troisième mari, Séricourt? Je m'embrouille, moi, dans tout cela. Un mot encore, père éternel, un seul, mais concluant. Le jour de mon mariage avec madame, un prêtre, un excellent prêtre, m'a déclaré à Sainte-Clotilde que notre union provisoire sur la terre serait suivie d'une union définitive dans le ciel. « Et moi, père éternel, répliqua Gaston, le jour de mon mariage, à la Madeleine, un évêque, entendez-vous bien, pas un prêtre, un évêque, m'a fait, dans les mêmes termes, la même promesse. » « Cela devient très embarrassant, murmura le père éternel, très embarrassant. Mes représentants sur la terre agissent quelquefois bien légèrement. Mais voyons, vous, madame, qui ne dites rien, parlez, c'est à vous de prononcer. » Et alors, la petite veuve, rougissante et fort émue, « Si vous étiez infiniment bon, Seigneur, dit-elle, vous me permettriez de m'arranger avec monsieur de Séricourt qui est là-bas, dans ce petit nuage à gauche et qui me fait des signes depuis un quart d'heure. » Je tournai la tête et j'aperçus en effet Séricourt qui se livrait à gauche dans son petit nuage à une pantomime des plus galantes et des plus expressives. « Encore un ami, Séricourt. » Cette charmante femme était, je le répète, appelée à contribuer jusque dans l'éternité, dans ce monde et dans l'autre, au bonheur de mes amis. « Que ne le disiez-vous tout de suite ? » répondit le Père éternel. « Cela concilie tout. Arrangez-vous avec monsieur de Séricourt. Qu'est-ce que je veux, moi, que vous soyez heureuse dans le paradis, puisque vous avez été bonne chrétienne ?» Et là-dessus, moi, je me réveille en sursaut, tant ce propos me parut vif de la part du Père éternel. Ainsi s'achève le rêve de Ludovic Halévy.